de Denis Diderot, Lettre sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voient. Notice. Madame de Vandeul nous a appris à quelle occasion fut composée la Lettre sur les aveugles et quelles conséquences eut pour l'auteur sa plaisanterie sur les beaux yeux de Madame Dupré de Saint-Maur. Enfermé à Vincennes pendant 100 jours, Diderot se refusa obstinément à dévoiler le nom de l'imprimeur de son ouvrage, et s'il obtint, après les 28 premiers jours de sa détention, quelques adoucissements, il ne les acheta par aucune concession aux exigences de ses geôliers. On peut ajouter, à ce que dit Madame de Vandeul, des moyens que son père employa pour tromper l'ennui de la captivité par l'écriture, un trait qui peint l'homme. Toujours désireux de faire profiter ses semblables de ce qu'il avait pu apprendre et de ce qu'il croyait pouvoir leur être utile, il écrivit, dit Néjon, au-dessus de la porte d'un cabinet où le prisonnier seul était dans le cas d'entrée. On fait de l'encre avec de l'ardoise réduite en poudre très fine et du vin, et une plume avec un cure-dent. Sans prétendre que Madame Dupré de Saint-Maur ait été pour rien dans l'affaire de la lettre de cachet lancée contre Diderot, nous croyons devoir dire qu'étant donné les habitudes du gouvernement d'alors, l'intervention de cette dame n'était pas nécessaire pour exciter le zèle des magistrats contre une des productions les plus hardies du siècle et dont, même alors, on ne comprit pas toute la profondeur et toute l'importance. Nous nous étendrons sur ce point dans l'étude que nous consacrerons à Diderot. Dans cette courte notice préliminaire, il nous suffira de dire qu'il y a dans la lettre sur les aveugles non seulement un esprit d'analyse des plus aiguisés et des plus exacts, mais en même temps des vues de génie qui ont préparé l'évolution de la science moderne dans le sens positif. C'est le même souffle qui anima l'encyclopédie et sans lequel cette grande entreprise n'eût jamais pu être même rêvée. Il y eut peu de réfutation de « la lettre sur les aveugles ». Nous ne citerons que la plus directe, celle qui porte pour titre « Lettre de M. Gervès Holmès à l'auteur de la lettre sur les aveugles contenant le véritable récit des dernières heures de Saunderson, sic, à Cambridge, 1750, petit in octavo. L'auteur, qu'on dit être formé, trouve la lettre de Diderot ingénieuse. Je voudrais pouvoir, continue-t-il, ajouter « judicieuse ». Il entame alors l'historique qu'il a promis des derniers moments de Saunderson, et après avoir nié que dans son état il ait pu prononcer le long discours que lui attribue Diderot, il lui en fait tenir un tout autre contraire, mais beaucoup plus long, 14-25 décembre 1749. Voltaire écrit à ce même propos à Diderot une lettre fort entortillée, dans laquelle il lui déclare qu'il n'est point du tout de l'avis de Saunderson qui nie un dieu parce qu'il est né aveugle. Il conclut, en l'invitant à un repas philosophique qui n'eut jamais lieu, l'arrestation de Diderot le 29 juillet, coïncidant avec le départ de Voltaire pour Lunéville. On trouvera la lettre de Voltaire et la réponse de Diderot dans la correspondance. La Société royale de Londres, à cause du rôle que joue dans cet ouvrage le docteur Hincliffe, ne pardonna jamais à Diderot et refusa de l'admettre au nombre de ses membres. Ce qui nous a fait penser que Diderot ne fut pas arrêté seulement par l'influence de Madame Dupré de Saint-Maur, c'est la note suivante du marquis d'Argenson, dans ses mémoires, août 1749. On a arrêté ces jours-ci quantité d'abbés, de savants, de beaux esprits, et on les a menés à la Bastille, comme le sieur Diderot, quelques professeurs de l'université, docteurs de Sorbonne, etc. Ils sont accusés d'avoir fait des vers contre le roi, de les avoir récités, débités, d'avoir frondé contre le ministère, d'avoir écrit et imprimé pour le déisme et contre les mœurs, à quoi l'on voudrait donner des bornes, la licence étant devenue trop grande. Mon frère en fait sa cour et se montre par là grand ministre. Dans une autre note du 21 août de la même année, le marquis ajoute le nommé Diderot, auteur des bijoux indiscrets et de l'aveugle clairvoyant, la lettre sur les aveugles, a été interrogé dans sa prison à Vincennes. Il a reçu le magistrat, on dit même que c'est le ministre, avec une hauteur de fanatique. L'interrogateur lui a dit « Vous êtes un insolent, vous resterez ici longtemps ». Ce Diderot venait de composer, quand on l'a arrêté, un livre surprenant contre la religion qui a pour titre « Le tombeau des préjugés ». Fin de la notice.